photos retrouvées au fond d'une valise, un vieux trousseau de clés, des chants d'oiseaux suffisent pour sentir certains jours l'ombre des souvenirs vous glacer, vous détour, qui vient vous étourdir comme un parfum trop lourd au début de l'été, comme une histoire d'amour qu'on croyait oubliée. Dans une vague grise, une vague bleue, vague qui me grise, j'ai plongé sous ton je savais à l'avance qu'on tomberait de haut. J'ai nié l'évidence. Nous deux, c'était si beau. Un jeu plein d'innocence qui parfois sonnait faux. Un drôle d'état d'urgence. Un duel. Le cœur en premier, le cœur en premier.